Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Si la mort est une certitude pour nous tous, la vieillesse ne l'est pas. Il faut réussir à atteindre ce troisième âge à la fois beau et complexe. Pour l'historien, pour l'historienne, il est difficile d'appréhender les archives laissées par les vieillards. Que nous disent-ils? Comment entendre leurs paroles? D'ailleurs, parlent-ils? Les inventaires après décès permettent d'étudier leur fortune, mais sont-ils riches ou bien pauvres? Et puis, quel est leur univers de vie? Quelles sont les couleurs, les odeurs? Tout ce qui fait cette fin de vie? Autant de questions auxquelles l'historien et l'historienne cherchent une réponse dans les archives. Oui, mais parfois, il faut chercher ailleurs ou tout simplement dans sa discothèque. Car en 1963, Jacques Brel nous apportait les réponses. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois, du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Tiens, il faut penser à remonter la pendule d'argent, vous savez, celle qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit qu'elle nous attend. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous interrogeons, mais que faire des personnes âgées? Ou plus exactement, comment nos ancêtres se sont occupés de leurs ancêtres? Parce que ça nous parle à nous-mêmes. Après avoir fait un petit tour dans l'Antiquité, nous arrivons aujourd'hui au 19e siècle. Toutes ces émissions peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet franceculture.fr, le cours de l'histoire, ou bien elles peuvent être podcastées. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour à l'hospice. Oui, l'hospice, mais loin des préjugés. Avec vous, Mathilde Rossigneux-Meeust, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes et vous êtes surtout maîtresse de conférences à l'université Lyon 2. Vous avez fait paraître « Vie d'hospice, vieillir et mourir en institution au 19e siècle ». Ça se trouve chez Champvallon. Et nous allons poursuivre les possibles de la vieillesse. Après l'hospice, il y a la famille. Avec vous, Vincent Gourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, rédacteur en chef des Annales de démographie historique. Vous avez écrit « Histoire des grands-parents » paru chez Perrin. C'était en 2001, hein, mais réédité en 2012, donc une seconde jeunesse. Et nous allons voir avec vous l'invention des grands-parents. Donc, de l'hospice à la famille, comment vieillir au 19e siècle. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure également la programmation de cette émission, avec son journal de l'histoire, mais pour le moment. Nous allons faire un petit tour à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, précisément le 6 décembre 1903, quand arrivent les pensionnaires de l'hospice. À leur arrivée à la gare, les pensionnaires sont reçus par un surveillant de l'établissement et conduits, soit à pied, soit en voiture, s'ils sont infirmes, jusqu'à la maison départementale. Les pensionnaires sont conduits au bureau, anciennement greffe. Il est pris note de leur état civil sur un registre spécial, où est également relatée l'énumération des vêtements et des effets dont ils sont pourvus. On mentionne également les noms et adresses des personnes, parentes ou amies des pensionnaires, afin qu'elles puissent être prévenues sur le champ d'accidents ou de décès. Enfin, tout arrivant, après s'être conformé aux mesures de propreté indispensables à toute agglomération d'individus, est visité par le médecin en présence du directeur et interrogé sur son passé, sa situation, ses aptitudes pour être signalé, au cas échéant, comme devant être l'objet de soins particuliers, matériels ou moraux, ou comme pouvant être occupé, s'il le désire, à un travail quelconque. L'arrivée des pensionnaires à l'hospice, un rapport administratif du Conseil Général. Nous sommes à Villers-Cotterêts précisément, le 6 décembre 1903, un texte lu en direct par Daniel Koenigsberg. Alors, l'arrivée à l'hospice, moment important dans une vie. C'est vrai que quand on dit hospice, ça fait facilement peur, aller à l'hospice. Mathilde Rossigneux-Meeust, qu'est-ce que l'hospice? Quand on dit l'hospice au 19e siècle, c'est quoi? C'est une institution? C'est la peur? Alors, je ne sais pas si c'est la peur. En tout cas, sont des lieux déjà, sont des lieux qui préexistent avant même de devenir des hospices. C'est important de le préciser. Hein. Villers-Cotterêts, Bicêtre, La Salpêtrière ont un passé avant de devenir des hospices de vieux, comme on les appelle à partir du 19e siècle, des hôpitaux généraux, des dépôts de mendicité, et sont des lieux monumentaux. Donc c'est cela qu'on rencontre dans le texte qui vient d'être lus, sont des lieux dans lesquels on a des dortoirs à perte de vue avec plusieurs centaines parfois de personnes âgées vivant dans un espace commun. À Bicêtre, il y a 2000 personnes tout au long du 19e. À La Salpêtrière, 3000 vieilles dames vivent dans les dortoirs de l'hospice. Donc, sont des lieux gigantesques. Mais quand on dit l'hospice, on dit aussi un nombre très important d'établissements, puisqu'il y a, ne serait-ce qu'à Paris, une cinquantaine d'établissements au 19e siècle qui ont des tailles très différentes. Il y a des établissements, il y en a un qui a 12 places, un par arrondissement avant 1860. Et puis, la majorité des établissements ont plusieurs centaines de lits. Donc, quand on dit l'hospice ou quand on dit la maison de retraite, puisque ces deux termes sont employés de manière assez indifférenciée au XIXe siècle, on emploie plutôt l'hospice pour qualifier des espaces réservés aux indigents et plutôt des maisons de retraite pour des pensionnaires qui payent leur place. Mais en fait, dans les faits, quand on veut, par exemple, Villers-Cotterêts, quand ça devient un établissement pour personnes âgées et non plus un dépôt de mendicité, mais on grave sur le fronton de ce château Renaissance, maison de retraite, justement pour montrer que la République ne crée plus des hospices ou des lieux stigmatisants, mais bien des maisons pour la retraite des travailleurs. Donc les hospices sont des espaces extrêmement variés et ça regroupe un ensemble de lieux qui recouvrent des réalités très différentes. Et surtout, vous l'avez évoqué, il y a un passé de ces hospices, parce que ce n'est pas apparu d'un coup comme ça. C'était quoi auparavant, donc avant le 19e siècle, plutôt quelque chose qui s'appuyait sur quoi? L'assistance, la charité, vous avez parlé de dépôt de mendicité. Qu'est-ce qu'on avait auparavant? Alors, ce qui change fondamentalement avec la Révolution, c'est que des lieux qui étaient des lieux d'assistance ou d'accueil de la pauvreté, on passe à des lieux qui sont réservés aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'il y a une spécialisation ces espaces-là et de la même façon que le 19e et le siècle des asiles, des prisons, de la spécialisation des prises en charge, et bien les personnes âgées, des écoles, les personnes âgées trouvent dans les hospices et les maisons de retraite des lieux qui leur sont spécialement dédié. Donc c'est vraiment ça qui change. Ce qui est intéressant, c'est que l'hôpital général ou le dépôt de mendicité, dans le cas de Bicêtre, La Salpêtrière ou Villers-Cotterêts, vont imprégner durablement leurs traces dans ces établissements, puisque on change l'appellation, on change la qualification des résidents. Néanmoins, les murs restent les mêmes, les personnels, au moins le temps d'une génération, restent les mêmes et les traditions d'accueil restent les mêmes. Donc le 19e, c'est tout un siècle où justement on va questionner, aménager, penser l'accueil pour cette nouvelle catégorie de l'assistance. Catégorie de l'assistance qui est à la fois une catégorie de l'assistance publique puisqu'elle est prise en charge par la municipalité parisienne d'une part, mais catégorie de l'assistance aussi confessionnelle puisque le 19e c'est aussi une période où il y a une congrégation religieuse particulière, qu'est-ce que sont les Petites Sœurs des Pauvres, qui vont faire de l'accueil des personnes âgées leur spécialité. Et donc cohabitent ces deux types d'assistance aux plus pauvres, mais pas seulement, on en reparlera, publiques et confessionnelles, gratuites et payantes. Mathilde Rossigneux-Méheust, vous venez d'évoquer ces types d'assistance, celle de la municipalité, on la voit bien, celle des religieuses, on comprend très bien, mais on peut l'évoquer tout de suite, il y a aussi toute une partie de privé. Il y a le privé qui se lance dans l'accueil des personnes âgées. Alors, je vais pas me lancer dans un descriptif qui serait fastidieux, justement, de toutes les formes d'assistance, mais globalement, oui, on a des établissements publics et des établissements privés, des établissements gratuits et des établissements payants, des établissements confessionnels et des établissements laïcs, mais tous les établissements publics ne sont pas gratuits et ne sont pas laïcs. Donc voilà, il y a une multitude de configurations, mais on a effectivement un secteur privé qui tantôt est gratuit quand il a été fondé fondée par un fondateur prestigieux qui veut, par exemple, réserver aux vieux domestiques, il y a un établissement de ce type qui veut réserver aux vieux domestiques les lits qu'elle a, qui sont fondés. Et on a des établissements privés qui sont gratuits. Les petites sœurs des pauvres, c'est évidemment pour les plus pauvres et c'est gratuit, complètement en dehors du regard de la municipalité, mais ça accueille les plus indigents. Alors l'institution regarde ce troisième âge, on ne dit pas encore troisième âge, c'est anachronique, regarde ces vieux, ces vieillards, comment les accueillir. C'est intéressant de voir dans votre ouvrage, hein, Mathilde Rossigne-Meust, Vie d'hospice, vieillir et mourir en institution, combien des réflexions qui nous parlent aujourd'hui étaient déjà celles, mais comme souvent d'ailleurs, hein, de nos ancêtres, des gens du 19e siècle, notamment l'institution, l'administration, la municipalité se dit qu'il faut privilégier l'accueil en famille parce qu'on manque de place. C'est déjà présent, cette réflexion de dire il faut favoriser l'accueil en famille. Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé lundi. Le maintien à domicile reste tout au long du 19e, et aujourd'hui encore, hein, la solution qui est privilégiée, et enfin qui est préconisée en tout cas. D'autant plus qu'elle coûte peu cher à la communauté, et donc elle est constamment valorisée, et l'hospice est constamment déprécié. Alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que l'hospice encouragerait l'oisiveté, l'hospice encouragerait l'imprévoyance. Et on sait combien la question de la prévoyance des classes populaires est au cœur des entrepreneurs, de l'esprit des entrepreneurs de morale tout au long du 19e. Et puis aussi parce que l'hospice serait à l'origine du délitement des relations familiales et des liens intergénérationnels. Donc effectivement, la vie de famille est tout au long du siècle valorisée. Sauf que, en fait, si on regarde, il y a un décalage énorme entre ce discours et puis le fait qu'il y ait des files d'attente de parfois 2 ans dans des établissements extrêmement stigmatisants pourtant. Donc ça veut dire que tout au long du siècle, c'est une solution qui est plébiscitée par les individus et par leur famille. Et j'insiste sur le fait que le maintien à domicile va être favorisé par des mesures qui vont avoir plus ou moins de succès, comme par exemple ce qu'on va appeler la pension représentative. Il y a un moment d'engorgement dans les années 1840 à l'hospice et on va proposer à un certain nombre de résidents et de résidentes de la Salpêtrière et de Bicêtre de retourner chez eux contre une pension plus importante que ce qui toucherait contre un recours. Il y a quelques centaines de personnes qui s'en saisissent pour retourner chez elles. Mais voilà, on a des solutions qui sont proposées aux individus pour retourner chez eux. Alors surtout, s'il y a trop de monde, s'il y a un manque de place, c'est toujours intéressant de se dire, déjà au 19e siècle, on se disait, on manque de place. S'il y a un manque de place, il y a aussi la volonté de choisir ces vieillards. Il y a l'image d'un vieillard méritant, celui qui mérite une place plus qu'un autre. Comment se fait cette sélection ? Alors, comme dans toutes les procédures d'assistance, hein, c'est très brillamment mis en scène par les sociologues aujourd'hui, comme dans toutes les procédures d'assistance, il y a des procédures de choix et de tri, et il y a des effets de classement. Alors, comment est-ce que sont choisis ces résidents ? D'abord, ils sont choisis après enquête. C'est pour ça que le texte qu'on a lu à l'entrée, où on voit des vieillards décliner leur identité, en fait, les administrations savent très bien qui elles accueillent en amont. Il y a généralement des enquêtes, souvent faites par les comités de bienfaisance, à domicile. On en a gardé la trace et pour aller prouver le besoin réel des individus pour demander une place à l'hospice. Donc sont répertoriés les membres du foyer, la taille des logements, les conditions de vie. On demande des certificats médicaux qui doivent prouver qu'il y a une difficulté à travailler suffisamment pour gagner sa vie, qui doivent aussi prouver qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des maladies d'exclusion, c'est-à-dire des maladies qui peuvent se transmettre rapidement dans un contexte collectif ou des maladies mentales. Et puis, enfin, dans ces enquêtes, on recherche à certifier la moralité des individus. C'est-à-dire que, contrairement à tous les lieux, enfin, à de nombreux lieux d'enfermement, hein, puisque le rituel décrit en début d'émission de cette espèce de rituel d'admission, il n'est pas propre aux hospices. On le retrouve dans les dépôts d'identité, dans les prisons, dans les asiles de nuit. Contrairement à ces espaces-là, il ne faut pas avoir de casier judiciaire pour rentrer à l'hospice. Il faut avoir un un certificat de bonne vie et mœurs, des certificats des voisins assurant la qualité morale, etc., etc. Donc là, il y a vraiment la recherche de bons candidats devant effectivement ces demandes très très nombreuses. Mais alors, ça ne suffit pas parfois, Mathilde Rossigne-Meust, parce que vous montrez, vous avez trouvé, vous avez surtout reconstitué, j'ai presque envie de dire, la carrière à l'hospice d'un ancien ouvrier mécanicien. Il s'appelle Sébastien Clouvel, il a 70 ans, il se trouve donc dans la fondation Michel Brézin, c'est à Garches, pas très loin de Paris, et sans doute a-t-il été sélectionné pour être un bon vieillard, mais c'est loupé, c'est ce que va nous lire Daniel Königsberg, qui endosse les habits du vieillard à l'hospice, mais un vieillard particulier. février 12, 1867. Admonesté pour avoir manqué de politesse envers la religieuse et le garçon de service. 9 mars 1867. Consigne de 8 jours pour avoir à deux reprises été grossier vis-à-vis de la sœur Saint-Luc. 1er octobre 1867. Consigne de 15 jours pour ivresse et mauvais traitement envers l'un de ses camarades. 31 octobre 1867. Consigne de 4 jours pour injure envers l'un de ses camarades. 15 novembre 1867. Consigne de 15 jours pour ivresse. 13 décembre 1867. Consigne de 15 jours pour infraction grave aux réglementations de propreté. 23 mars 1868. Consigne indéfinie jusqu'à décision de monsieur le directeur général sur le rapport qui lui a été adressé. 1er décembre 1868. Consigne de 8 jours pour ivresse. 4 avril 1869. Consigne indéfinie et privation de vin pendant un mois à l'un des repas pour rentrer en état d'ivresse. Tentative de sortie malgré l'opposition de sortir. Infraction au règlement pour la tenue des cabinets d'aisance, injures et menaces à ses camarades. C'était la liste des entorses accomplies par un pensionnaire de la Fondation Michel Brézin, donc à Garches. Nous étions sous le Second Empire et ce Sébastien Clouvel, ancien ouvrier mécanicien, est un sacré gaillard, donc on voit tout. Hein. Il y a tous les soucis, en fait, qui sont ceux que l'on rencontre dans les hospices. Il y a l'ivresse, il y a les problèmes d'hygiène. Mathilde Rossigne-Meust, ce personnage est un personnage à part. La preuve, c'est qu'il a laissé des traces et sans cesse consigné. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes. Quelle est la vie à l'hospice ? C'est pas une prison ? Vous le dites hein, dans votre ouvrage « Vie d'hospice », c'est pas une prison, c'est pas un couvent. Mais c'est quoi l'hospice ? Alors d'abord, Sébastien Clouvel, il a un parcours singulier, et pas si singulier si on regarde les archives, puisque en fait, c'est un peu un effet d'archive, mais il y a beaucoup de ces vies coupables qui sont enregistrées dans les archives de l'établissement. Ne serait-ce que parce que chaque ligne qui a été lue tout à l'heure, chaque indiscipline a suscité des rapports, des correspondances, parfois avec la famille, parfois avec d'autres établissements pour essayer de déplacer cet individu. Et parfois de l'individu lui-même à des autorités dépassant l'hospice. Donc ces individus dans les archives, ils sont très nombreux. Dans les faits, on peut estimer, si, puisqu'il y a des collectes qui sont faites à la fin de chaque année du nombre de punitions données dans les établissements publics de l'assistance publique, on peut estimer qu'il y a à peu près 10% de la population qui a à un moment subi une punition qui peut aller de la consigne, c'est-à-dire l'interdiction de sortir pendant quelques jours, jusqu'à la mise à l'isolement beaucoup plus sévère, jusqu'à l'exclusion. Dans les hospices, il faut être propre, c'est ça aussi, hein, c'est ça qu'on surveille, la propreté. Dans les hospices, il faut déranger le moins possible. Ah, oui. C'est-à-dire que aujourd'hui comme hier, hein, l'idée c'est qu'il y a un personnel restreint, beaucoup plus restreint qu'à l'hôpital ou dans les hôpitaux psychiatriques, et que les indisciplines corporelles sont susceptibles de générer du travail et donc sont causent un préjudice aux administrateurs. Par ailleurs, il faut être capable aussi de discipliner ces bruits, puisque quand on est dans un espace aussi collectif qu'un dortoir, le fait de boire, par exemple, ou le fait d'avoir d'être psychiatriquement vulnérable, fait que, eh ben, on peut vite devenir un sujet de gêne pour ses voisins, voisins qui ne se gênent pas justement pour aller se plaindre auprès de la direction. Donc voilà, tout ça pour dire que ces individus, ils génèrent énormément de courriers, de plaintes aussi. Et dans les soucis de l'hospice, justement, donc on disait, il y a la propreté. Bon, l'ivresse, on peut le comprendre. C'est sans doute, c'est ce que vous expliquez, Mathilde Rossigne-Meust, c'est qu'il y a comme une relation contractuelle, en fait, entre le pensionnaire et l'institution. C'est presque un contrat qui est signé. Alors, un contrat, je vais dire, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'existence. Mais c'est ça, c'est une relation contractuelle. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est justement que il y a plein de choses qui, pour revenir aussi sur la question précédente, pour faire le lien, il y a plein de choses qui rapprochent l'hospice de la prison. C'est-à-dire que la plupart des résidents portent un uniforme, la plupart des établissements sont fermés à certaines heures, voire certains jours, ont des règlements intérieurs largement punitifs. Certains sont même dans des murs d'anciennes prisons, c'est ce qu'on disait au début. Par ailleurs, tous ces résidents sont dans les statistiques comptés à part, c'est comme ça qu'on les appelle, au même titre que les prisonniers. Donc c'est un espace qui emprunte à l'espace carcéral un certain nombre de caractéristiques. Mais c'est aussi un espace hybride, et y être admis, c'est rentrer dans cette relation contractuelle, puisque d'abord, on y entre de son plein gré. On signe un contrat au départ. On l'a dit tout à l'heure, on attend souvent assez longtemps. On peut toujours en partir. Il y a à peu près 10% de la population, même dans les espaces où il y a des indigents, qui quittent leur lit pour finir leur vie ailleurs ou dans un autre établissement. Donc il y a quand même une petite marge de manœuvre. Donc c'est un contrat qui est consenti, dans la mesure où on peut consentir des choses en fin de vie et quand on est économiquement dépendant et parfois malade. Et c'est un contrat qui a un coût. C'est-à-dire que c'est ce qui est exigé de la part des résidents. C'est à la fois de se plier à des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, comme les emplois du temps, la vie collective, le fait de devoir prendre ses repas en commun. C'est se plier à l'obligation du travail dans les hospices les plus pauvres, qui prévaut jusqu'à la fin du 19e siècle, qui va être ensuite légèrement aménagé. C'est se plier aux corvées d'épluchage gratuites, c'est se plier à une discipline, à une surveillance, et en échange, c'est obtenir une sécurité définitivement acquise. Et ce contrat d'assistance, il est extrêmement important pour comprendre justement la relation très particulière qui se noue à l'hospice, qui est très différente des autres institutions disciplinaires et qui ne permet pas d'assimiler directement l'hospice à la prison. Ni à la prison, ni au mouroir, parce que vous insistez bien que l'hospice est quelque chose de plus complexe qu'un simple mouroir, c'est-à-dire qu'il y a une vraie sociabilité dans l'hospice, on rencontre des gens, on parle, on est pris en compte. L'hospice n'a pas l'image aussi noire par le passé que ce que ça a pu véhiculer avec ce mot mouroir, qui était vraiment utilisé régulièrement. Maintenant, on l'utilise plus, mais enfin, l'hospice, c'était pas si pire que ça. Alors, on viendra peut-être sur la mort un petit peu plus tard, mais l'hospice, c'est effectivement un espace de sociabilité. D'abord, un espace de sociabilité entre vieux, un espace de sociabilité inédit. Hein. Dormir avec 200 personnes, c'est quelque chose de... Enfin, à part à la caserne, c'est quelque chose de relativement rare dans la vie de ces individus. Et dans ces sociabilités de dortoir, se nouent des relations de détestation, d'affection. Se nouent aussi, quelquefois, des histoires d'amour, puisqu'il y a quelques... Dans les établissements qui sont mixtes, il y a des couples qui se forment à l'hospice, se nouent aussi des solidarités, soit contre certains pensionnaires. Hein. Clouvel, clairement, il a été au départ distingué par ses camarades de chambrée comme étant gênant, et c'est comme ça que le problème est remonté à l'administration. Des solidarités entre pensionnaires, mais aussi des solidarités contre un pensionnaire, mais aussi des solidarités contre l'administration. C'est-à-dire que quand un problème fait collectivement problème, eh ben il est pris en charge par tout un dortoir. Il y a des pétitions qui remontent à l'administration, des pétitions qui remontent quelquefois jusqu'au directeur de l'assistance publique, qui remontent parfois jusqu'aux élus, qui sont envoyées à la presse. Et on voit bien que la plupart de ces pétitions, hein, qui sont très nombreuses et qui sont une dimension importante, je pense, de mon travail, que ces pétitions, elles traduisent une forte politisation de ces assistés et en particulier des hommes, puisque c'est évidemment eux qui vont avoir l'oreille des élus à partir du moment où ils ont le droit de vote, à partir du moment où les hospices deviennent des lieux visités à chaque campagne électorale. Et donc, elles vont souder la communauté des résidents. L'hospice comme enjeu politique, c'est bien aussi vie d'hospice, vieillir et mourir en institution au XIXe siècle. Mathilde Rossigneux-Meust, vous restez avec nous parce que maintenant, après l'hospice, nous allons voir comment l'on peut vieillir en famille et avec notamment l'invention de l'idée de grands-parents, celle que nous aimons tant, les grands-parents gâteaux, avec cette idée en tête quand même, n'oublions jamais qu'avec ce troisième âge, il n'y a pas que du triste parce que parfois nous touchons à la splendeur avec Dominique A. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il demandait, en ai-je fini avec la vie? Est-ce l'heure? Ai-je abusé? Ai-je épuisé la splendeur? Les lourdes treilles, les hauts soleils, les jardins, ça me revient, mais c'est trop loin. Vivre ça, mon pauvre cœur n'y tient pas. Ne tiendrai pas plus d'une heure sous le poids de la splendeur. Sur l'eau turquoise, cette vision une île le dos d'une main sur des paupières de l'histoire avec Dominica qui chante la splendeur. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Père et le Gras avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha et Nicolas Berthaume de France Bleu La Rochelle. Nous retrouvons tout de suite pour poursuivre notre enquête où placer nos vieux après avoir vu l'hospice. Nous allons regarder s'il est possible de les mettre en famille avec vous, Vincent Gourdon, directeur de recherche au CNRS, rédacteur en chef de la revue Les Annales de démographie historique et qui a publié Histoire des grands-parents. C'est chez Perrin. Vincent Gourdon, vous m'entendez ? Très bien. Vous êtes à La Rochelle et Vincent Gourdon, vous avez écouté ce qui a été dit sur les hospices. On l'a bien dit, l'hospice est une possibilité, la famille est toujours privilégiée. Mais il est sans doute plus difficile pour vous de trouver les traces du vieillard placé en famille. L'hospice laisse des archives, la famille en laisse peut-être moins ? Alors, tout d'abord, oui, effectivement, ça c'est un premier point. Mais le point fondamental, c'est déjà de dire... Le vieillard placé en famille. La plupart des vieillards ne sont pas placés en famille. Ils vivent en famille, ne serait-ce que parce qu'ils vivent en couple, pour certains, parfois avec un enfant, pas forcément marié, et la plupart du temps d'ailleurs pas marié. La plupart des vieux en France, sauf dans le sud de la France, ne vivent pas avec leurs descendants. Eh oui, c'est ça, parce que l'idée de la famille est extrêmement complexe, on le sent bien, hein, entre la vie à la campagne, la vie à la ferme, ou alors à l'usine, en ville. Tout est différent, mais c'est vrai que cette idée de garder les grands-parents ou de les laisser est quelque chose qui traverse le temps. Je vous donne un exemple, c'est dans l'émission Panorama, c'était en 1969, une forme de micro-trottoir où l'on croise une dame avec une personne âgée. Est-ce sa mère? Est-ce sa grand-mère? Ah, c'est sa mère. Écoutez, c'est un peu sinistre. Nous allons vous parler de vacances. Vous prenez des vacances, madame? Oui, demain, monsieur. Vous partez demain, et madame, qu'est-ce que... Ah non, la grand-mère est à Ivry, là, elle est à côté, elle est placée. Oui. Je suis venue la voir avant de partir. Oui, avant de partir, bien sûr, oui. Parce que vous partez où, madame? Vous partez... Ah, je pars dans ma petite maison, dans l'Yonne. Oui, mais oui. Et vous partez avec votre mari, avec... Avec mon mari, oui, oui, mes enfants. Et puis, alors, la grand-mère, elle ne peut pas partir. Non, parce qu'elle est trop fatiguée, elle a 87 ans. Ah oui, 87 ans, puis ça lui dit plus rien. Oui, 87, elle s'en souvient plus, mais elle les a, hein. 82. Mais tu es née en 82? Oh, je suis née en 82. En 1882, oui. Tu as 87 ans. Voilà, 87 ans. Oui, oui. Allez, viens, Stéphane, on va aller voir les... Et vous connaissez la mer? Oh, je connais rien du tout. Non, elle n'est jamais allée. Elle n'a jamais été à la mer. Elle n'a jamais voyagé. Elle aimait pas ça. Ah oui. Toujours les bonnes sœurs et toujours les bonnes sœurs. Elle aimait pas ça, elle aimait pas la mer. Donc en 1969, et oui, des gens qui partent en vacances laissent les vieux, les placent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en tête. Vincent Gourdon, j'ai envie de vous poser une question très simple. C'est vrai que dans la conception qu'on peut avoir des personnes âgées, on peut dire facilement oui, mais avant, les vieux vivaient en famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben justement, c'est le problème, c'est que c'est faux. C'est un point fondamental. Donc effectivement, si on raisonne d'un point de vue géographique, dans le sud de la France, où on avait plutôt un idéal de famille complexe, ce qu'on appelle parfois la famille souche dans certaines régions, donc Pyrénées, Massif central, Alpes, voire Alsace, pour certains. Là, on a une vie en famille des vieillards, c'est-à-dire que les vieillards sont chefs de famille et ils vivent avec leurs descendants, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Mais dans la plupart du territoire français, au niveau rural, on ne vit pas en famille, on vit chez soi le plus possible. Et il faut des circonstances très exceptionnelles ou vraiment être en situation de santé catastrophique pour vouloir vivre avec ses descendants. Donc on vit à domicile et dans le domicile personnel. Et on ne veut surtout pas être un poids pour les personnes de sa famille. C'est important ce que vous dites là, avec quand même la nuance du chez-soi, parce que ça peut se décliner de plein de manières, mais on le comprend bien. Donc soit les anciens vivent dans le même domicile, ce qui est assez rare, vous le dites bien, mais ce qui arrive selon différentes parties de la France, et notamment plutôt dans le sud, soit l'on vit chez soi, mais ça, pas loin. Ça peut être même dans le même immeuble pour les villes ou à côté, c'est aussi important. C'est-à-dire que l'on se voit tous les jours. Alors effectivement, si on parle des classes populaires, urbaines, l'idéal c'est de vivre dans le voisinage. Et c'est clairement recherché. Si on parle de la bourgeoisie, c'est exactement le même idéal. Et on cherche souvent à avoir un immeuble familial dans lequel les appartements sont répartis entre les membres de la famille. On a beaucoup d'exemples de ce phénomène. Et il y a le cas un petit peu particulier de la noblesse qui, on va dire, au 19e, cherche encore, avec des nuances historiques, disons plutôt au début du 19e qu'à la fin du 19e siècle, à vivre dans un hôtel particulier ou un château en commun. Mais évidemment, on est dans des surfaces qui sont gigantesques et où on n'est pas dans la surcharge d'un ménage ouvrier du 19e siècle. Oui, c'est pas du tout pareil. Dans Histoire des grands-parents, Vincent Gourdon, donc c'est un livre publié chez Perrin, vous insistez aussi sur un aspect que l'on oublie souvent, c'est que les vieillards ne sont pas qu'un poids. Au contraire, ils peuvent être une aide. Et en cela, c'est important de comprendre ces solidarités familiales. Alors, en effet, une des raisons qui fait qu'une partie des vieillards sont accueillis de temps en temps chez leurs descendants, et notamment les femmes, les grand-mères, c'est qu'elles peuvent aider à garder les enfants dans certaines circonstances, que par exemple la mère travaille, ou bien, pour prendre l'exemple, un exemple rural, lors des travaux des champs les plus prégnants. Donc ça peut être un élément qui aide les familles, et donc de ce point de vue, elles sont c'est favorable. Cela dit, les grands-pères sont beaucoup moins acceptés. Il y a même des études de démographie historique qui montrent que la présence d'un grand-père à domicile augmente la mortalité infantile des bébés. Aïe. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, ceux qui sont accueillis sont dans un état catastrophique, et en fait ils mobilisent les ressources matérielles et de soins de la famille, alors que les grands-mères, au contraire, lorsqu'elles sont accueillies, la mortalité infantile des bébés est plus faible. Donc c'est assez intéressant de voir le parallèle au 19e siècle. C'est d'autant plus fort ce que vous dites là, Vincent Gourdon, c'est qu'au 19e siècle s'impose une figure à travers le théâtre, la littérature, celle du grand-père. On va en avoir un exemple tout de suite, mais on l'attend. C'est en 1877, L'art d'être grand-père par Victor Hugo. Victor Hugo, ce matin en direct, s'appelle Daniel Königsberg. Viens, mon Georges. Ah, les fils de nos fils nous enchantent. Ce sont de jeunes voix matinales qui chantent. Ils sont, dans nos logis lugubres, le retour des roses, du printemps, de la vie et du jour. Leur rire nous attire, une larme aux paupières. Et notre vieux seuil fait tressaillir les pierres. De la tombe entr'ouverte et des ans lourds et froids, leur regard radieux dissipe les effrois. Ils ramènent notre âme aux premières années, ils font rouvrir en nous toutes nos fleurs fanées. Nous nous retrouvons doux, naïfs, heureux de rien. Le cœur serein s'emplit d'un vague aérien. En les voyant, on croit se voir même éclore. Oui, devenir aïeul, c'est rentrer dans l'aurore. Le vieillard gai se mêle aux marmots triomphants. Nous nous rapetissons dans les petits enfants. Et, calmés, nous voyons s'envoler dans les branches notre âme sombre avec toutes ses âmes blanches. Victor Hugo, L'art d'être grand-père. Merci beaucoup, Daniel. C'est vrai que cette figure du grand-père est une figure majeure. Devenir aïeul, c'est entrer dans l'aurore. Toujours bien de relire, d'écouter du Hugo. Cette figure du grand-père que vous avez étudiée, ou plus globalement des grands-parents avec la grand-mère, c'est vraiment quelque chose qui existait avant le 19e siècle, mais qui est reconstruite au 19e siècle. Vincent Gourdon. Alors en fait, c'est une figure qui est complètement mythologisée au 19e siècle, mais dont l'émergence date plutôt de la fin du 18e siècle. C'est plutôt lié aux Lumières. C'est une figure de la vieillesse idéale, mais sécularisée, c'est-à-dire vivant dans le monde et non pas tournée vers Dieu. Ça, c'est un point fondamental. Et d'autre part, c'est aussi la grand-parentalité, une vieillesse dans laquelle on n'est plus au pouvoir dans la famille. Et donc, la compensation, c'est le rapport affectif extrêmement intense avec les petits-enfants. Et c'est au 19e siècle, vraiment, justement dans cette époque qui valorise à la fois la famille, mais le chez-soi intergénérationnel, que la grand-parentalité devient un idéal de vie familiale pour la vieillesse. Oui, Vincent Gourdon, vous l'écrivez dans votre ouvrage « Histoire des grands-parents », la vieillesse est une affaire de famille. C'est vrai que l'on n'abandonne pas ses vieux. Alors, nous avons vu qu'il y a le possible de l'hospice, il y a l'accueil en famille, il y a le juste à côté ou dans l'immeuble voisin, mais la famille est toujours dans ces préoccupations-là. Oui, oui. La bonne vieillesse est une vieillesse familiale. Dans la littérature du 19e siècle, il y a très souvent la critique, par exemple, du vieux qui vit avec des domestiques seuls. Les soins mercenaires sont vus comme absolument détestables. Ce qu'il faut, c'est être en famille. Mais en famille ne veut pas dire vivre au domicile de la famille. Ça veut dire être proche de sa famille et notamment avoir des relations d'affection avec tous les membres de sa famille, en particulier ses petits-enfants. En particulier ses petits-enfants, cette relation grand-parents-enfants est importante. Mathilde Rossigne-Meust. Oui, juste un petit mot pour dire que les solidarités familiales qu'étudie Vincent Gourdon se retrouvent aussi à l'hospice, c'est-à-dire qu'on voit des grands-mères prendre congé temporairement de l'hospice pour aller aider leurs petits-enfants ou leurs enfants, en particulier leur fils au moment d'un veuvage. Voilà, il y a un certain nombre d'exemples dans ce cas-là. Et pour dire aussi que la famille reste d'une certaine façon aussi l'idéal d'assistance, y compris dans l'hospice. C'est-à-dire que les petites sœurs des pauvres, par exemple, parlent de la vie de famille pour qualifier la vie de l'hospice, qu'on invente à la fin du 19e siècle le placement en famille d'accueil pour les personnes âgées, en se disant que peut-être que un moyen pour allier l'esprit de famille, comme on dit à l'époque, et la prise en charge des personnes âgées, eh ben c'est de placer dans des familles qui sont des familles d'adoption, comme on le fait pour les enfants. Et ce placement de famille, il se fait souvent ouvert à la campagne, dans les colonies familiales, par exemple. C'est vrai qu'il y a un fantasme de la vieillesse en famille, de l'esprit de famille, d'accueillir ces vieux, de les regarder, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, qu'ils nous transmettent leur histoire, notre histoire. Et puis parfois, ça se passe mal. Qui s'occupera de moi? Personne ne veut plus d'une vieille femme comme moi. Peut-être dans une maison de retraite. Mon Édouard aurait pas voulu ça. Pauvre Édouard. Mourir le jour d'un armistice, vous vous rendez compte? Il paraît qu'ils battent les vieux. Tati, ne vous inquiétez pas. On vous abandonnera jamais. Vous êtes notre seule famille. Vous avez bon cœur. Et vous pouvez y croire. C'est Odile que j'ai hébergée, nourrie, me volée. La nuit quand j'appelle, elle se lève même pas. Elle oublie tout. Elle fait une nourriture abominable. Même Gardavou n'en veut pas. Elle me tuera avec ses paupiètes. Cette voix, Tati Daniel, Cilla Shelton, Étienne Châtillaise, le réalisateur du film, Tati Daniel, merveilleuse Tati Daniel, mais angoissante ô combien. Vincent Gourdon, quand vous étudiez ces grands-parents donc, qui ne vivent pas toujours en famille, mais qui vivent parfois en famille, vous voyez une chronologie qui s'installe. Cette chronologie, cette cohabitation, en tout cas par une forme de proximité, vous arrivez à la dater jusqu'à quand? À partir de quel moment il y a des ruptures qui vraiment sont identifiables? Vous voulez dire dans la vie familiale? Dans la vie familiale, le moment où on commence à ne plus penser à accueillir les anciens à la maison. Alors, encore une fois, dans certaines régions du nord de la France, l'idéal depuis l'époque moderne était d'être autonome. L'idée n'était pas d'accueillir principalement ses parents. Au contraire, on pouvait mettre en place des rentes viagères, des contrats, etc. Donc on est déjà dans une société qui valorise énormément l'autonomie au maximum. Et les vieillards sont favorables à cette idée. Mais on a malgré tout, c'est vrai, quand on pense à Germinal, on parlait du Nord, on a malgré tout cette cohabitation forcée, cette cohabitation subie qui est parfois difficile. Alors ça, c'est le milieu ouvrier du 19e siècle. Effectivement, il y a des cohabitations forcées, mais il y a aussi un discours au 19e siècle sur la famille ouvrière dans lesquelles, en fait, c'est l'enfer, les vieillards sont forcés de vivre avec leurs petits-enfants. Je pense, par exemple, pour ceux qui ont lu Hector Malot et Sans famille, au grand-père Driscoll, le mauvais grand-père dans sa famille, qui crache, qui est paralytique, enfin bref, c'est une horreur. Il y a cet idéal, cette idée de vieillesse familiale forcée et détestable. Mais encore une fois, on n'est pas dans une transformation majeure. L'idéal de vie du nord de la France depuis l'époque moderne, c'est l'autonomie des générations. Ça, c'est un point fondamental. Oui, c'est l'autonomie des générations, avec quand même, quand vous étudiez les grands-parents, Vincent Gourdon, quand vous étudiez les grands-parents, en lisant votre livre, on se dit, ils nous ressemblent énormément. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations que nos ancêtres avaient, qui sont vraiment encore les nôtres, sur comment prendre soin des anciens. Ils nous ressemblent beaucoup. Vous qui les connaissez bien, en quoi ils sont différents de nous, de ceux d'aujourd'hui, ces grands-parents? Alors, on pourrait dire beaucoup de choses, mais il y a quelques points qui me paraissent importants. Dans la représentation qu'on a de la grand-parentalité au 19e siècle, il y a un point qui est frappant, c'est qu'on ne représente pas le couple grand-parental. La conjugalité, par exemple, ça n'existe pas dans la grand-parentalité du 19e siècle. On est grand-père ou on est grand-mère, mais on n'est pas couple grand-parent. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est le grand-père, par exemple, joue très peu. Ouais. C'est pas un grand-père joueur. D'ailleurs, il est remarqué quand il est joueur. Si on en parle, c'est que c'est bien exceptionnel. Ouais. C'est très exceptionnel. D'autre part, évidemment, il y a beaucoup plus de formes de respect qui sont affichées. Très longtemps, on a le vouvoiement. Ça bouge à la fin du 19e siècle. On vouvoie ses grands-parents. On a beaucoup d'aspects aussi. On est enfermé dans son rôle de grand-parent. Ouais. Ça, c'est un point important. Et par rapport aux générations actuelles, notamment ce qu'on appelle les baby boomers qui deviennent grands-parents. L'idée d'être grand-parent à plein temps, ça pose un problème dans les nouvelles générations, notamment pour les grands-mères qui ne veulent pas être réduites à ce rôle. Alors qu'au 19e siècle, c'est clairement, on est grand-parent, point. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre rôle social. Et notamment pour les femmes. Pour les femmes, j'allais vous poser la question, justement, cette différenciation par le sexe, c'est-à-dire la figure de la grand-mère et la figure du grand-père est vraiment très différente, mais ne serait-ce que liée à l'utilité sociale accordée à l'un à l'autre. La grand-mère peut garder les enfants, le grand-père transmet la mémoire, on va dire. On va dire que c'est ça. C'est-à-dire que le grand-père, en fait, est une figure qui est civique aussi, qui a une dimension patriotique, civique, etc. Alors que la grand-mère a une dimension essentiellement familiale. La femme, en fait, au 19e siècle, a une dimension essentiellement familiale. Donc, son destin, c'est de terminer comme grand-mère, si on peut dire. Et évidemment, elle transmet essentiellement des valeurs familiales, de la mémoire familiale, des pratiques familiales, du savoir-vivre familial, etc., etc. Alors que le grand-père ouvre vers des horizons plus larges, professionnels, civiques, etc. Vincent Gourdon, histoire des grands-parents, on a bien compris que selon l'idée souvent répandue, avant, nous avions les vieux à la maison, aujourd'hui on ne les a plus, non c'est faux. Depuis toujours, les vieux, je ne dis pas que ce soit les jeunes qui ont envie de laisser leur vie ailleurs, non, ce sont, je pense, les personnes âgées qui ont envie d'être indépendantes. Merci beaucoup à vous. Il est 9h52, c'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs, aujourd'hui, vous nous proposez une histoire lumineuse. La nuit sera belle à Genève demain soir puisque 149 communes de l'agglomération ont décidé d'éteindre leur éclairage public pour sensibiliser la population aux méfaits de la pollution lumineuse. La lumière en ville s'est pourtant faite désirer. Il a fallu attendre le 19e siècle pour se déplacer en voyant où l'on mettait ses pieds. À Paris, l'histoire de l'éclairage public débute timidement par l'accrochage d'une lanterne à la tour de Nesle à l'entrée de la ville, renforcée par une bougie disposée à la sortie du Châtelet en 1318, après l'agression d'un juge qui n'avait pas vu les vilains en embuscade dans la pénombre. L'éclairage public reste donc minimaliste jusqu'au 19e siècle, qui voit apparaître une bougie tous les 20 ou 30 mètres, puis des becs benzène qui font craindre les explosions, et enfin les ampoules électriques qui, par leur puissance inédite, font craindre l'aveuglement. Je veux pas faire de la réclame ni de la publicité, mais tous les coins de Paname n'ont pas l'électricité. Il y a des coins où je vous jure qu'on y voit clair, éclairés par les bons vieux PQR. C'est dans ces coins qu'on peut me voir aller faire mon petit tour le soir. Si la lumière artificielle nocturne est instaurée pour des questions de sécurité, elle se fait aussi spectacle dans les années 1860 sur les annonces de théâtre des colonnes Maurice, en voie de disparition aujourd'hui, et sur les toits des immeubles à des fins publicitaires. C'est Kodak qui ouvre le bal en installant un gigantesque K ardent sur un immeuble de la place de l'Opéra. Les vitrines s'allument également et attirent avec succès les passants puisque le Paris nocturne illuminé est devenu un lieu de promenade envisageable. Avec l'invention du néon, on peut désormais profiter de la texture de la nuit. Après le blackout de la Première Guerre mondiale, c'est une explosion lumineuse qui s'offre aux yeux des passants. Les chevrons de Citroën s'installent pendant 9 ans sur la tour Eiffel. Un âge d'or que l'on retrouve après la Deuxième Guerre mondiale et l'hypertrophie publicitaire des Trente Glorieuses. Cette avenue Victor Hugo, aujourd'hui, symbolise un peu la phrase typique Paris, ville lumière. En effet, tous les deux arbres, une guirlande lumineuse, célèbre Noël. Monsieur Boulin, vous avez commencé, je crois, avec 1 km de rue éclairée. Et maintenant, vous nous en êtes... à 3 km, c'est-à-dire que nous allons jusqu'au bois, cette année. C'est une initiative qui doit coûter assez cher, je pense. Assez cher. Enfin, nous sommes heureux de le faire parce que je crois que les Parisiens sont très sensibles à nos gestes. Que ces curieux achètent. Mais oui, parce que l'année dernière, notre chiffre d'affaires a augmenté assez sensiblement. De quel ordre environ ? 10%. L'histoire des enseignes lumineuses perd de sa flamboyance avec les chocs pétroliers successifs des années 70 et les balbutiements d'une pensée écologiste. Ces publicités conçues pour être vues, plus personne ne veut les voir dans son environnement quotidien. Les néons les plus imposants sont évacués des centres de la capitale pour être relégués à ses portes et sur le périphérique. La lutte contre la pollution lumineuse devient une cause, et pour certains, une guérilla urbaine livrée à la lumière superflue qui persiste dans les rues. C'est les anti-néons donc, qui sillonnent la ville la nuit avec des grands balais, parce que ces éclairages en fait, ont un interrupteur extérieur. Donc avec un simple petit ustensile, on peut éteindre les magasins. Et évidemment, enfin, participer d'une manière de faire le noir, ce qui est un jeu d'enfant. Ben, voilà, on souffle les bougies, quoi. Je souhaite une belle nuit noire aux Genevois, et pour les habitants de la région de Reims, je signale une exposition sur la pollution lumineuse à Pourcy, que l'on peut encore voir jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Anaïs Kien, bah, une fois encore, c'était lumineux. Mathilde Rossigneux-Méost, en écho à ce que vient de dire Anaïs, quand vous étudiez les vieillards du 19e siècle, il y a un paramètre à mettre en cause, c'est que ces vieillards ont vu le monde changer. Ils ont vu l'apparition de la lumière. Ils ont vu l'apparition du train. Je fais écho à l'ouvrage d'Alain Corbin, Pinago. Ce Pinago qui a vu le monde qui change. C'est vrai qu'il y a comme un désenchantement, peut-être un sentiment de déclassement d'arriver à l'asile, et ça, quelles que soient les périodes. Mais pour les vieillards du 19e siècle, il y a quelque chose de fabuleux quand même. Ils font aussi rêver. Ils ont vécu pour certains, mais même pour beaucoup. Vous étudiez le 19e siècle, l'Ancien Régime. Et ils arrivent dans un autre monde complet. Ça fascine aussi, ça, l'historien, de voir ça. Enfin, l'historienne, en l'occurrence. Ce qui est fascinant, ce à quoi je pensais en écoutant un haïtien, c'est que les vieillards à l'hospice, ils découvrent l'électricité. C'est-à-dire que la plupart appartiennent à des classes populaires qui vivent dans des conditions de logement souvent très modestes, et que les hospices, au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, se dotent des aménagements les plus modernes, d'ascenseurs, de l'électricité, enfin de tout un arsenal de la modernité que probablement la plupart d'entre eux ne connaissaient pas chez eux. Et donc c'est finalement très tardivement, mais très précocement par rapport au reste de la population française, qu'ils font l'expérience de la modernité. Oui, c'est un monde très particulier qu'ils ont vécu. Merci beaucoup Mathilde Rossigneux-Méost, merci beaucoup Vincent Gourdon, merci Daniel Koenigsberg qui nous a lu ces textes sublimes et qui a été Victor Hugo ce matin. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès et Camille André. Des émissions qui peuvent être écoutées en ligne sur le site internet du Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien podcastées demain. Demain, nous continuons à explorer ce monde du troisième âge avec une histoire de la protection sociale et notamment évidemment de la retraite en cette période où elle est en cours de redéfinition. J'ai envie de dire qu'elle est sans cesse en cours de redéfinition. Et oui, quelle conception de la vieillesse a permis la création de politiques à destination des personnes âgées ?